s'achever sans voir le sang couler. Qui pourra enfin marcher sans se sentir menacé? Qui pourra voir la terre tourner encore de belles années? Qui pourra enfin marcher et voir la lune briller? Avant que nos enfants se trouvent dans un dépotoir, il faudrait peut-être un jour se parler d'amour. Laissons passer la folie des bombes, laissons aller la grande histoire de l'homme. Je dors, j'écoute l'alouette et puis je m'endors. Qui pourra voir le jour se lever sans voir le sang couler? Qui pourra enfin marcher sans se sentir menacé? Qui osera lever ses bras pour leur dire d'arrêter, d'arrêter ce carnage et les pires cruautés? Qui saura leur dire encore que c'est un long détour à tuer le monde pour faire couler du pétrole de leur puits? Laissons passer la folie des bombes, laissons aller la grande histoire de l'homme. Quand je suis rendu au ciel à compter les étoiles, et quand ma tête soit plus là pour vous chanter l'amour, moi je veux juste vous dire que je vais encore pleurer toute la misère et penser qu'un jour le monde va peut-être changer. Et quand ce jour viendra, on criera la victoire, oublier le sang versé à la mémoire de l'histoire. Et quand la mer et la terre parleront au vent, on pourra enfin saluer le printemps. On pourra enfin saluer le printemps. Qui pourra voir la terre tourner encore de belles années? Qui pourra enfin marcher et voir la lune?